Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2016 et merci d'être là. Je suis ravi de partager ce moment hebdomadaire avec vous. C'est Spike Morshen et vous êtes dans la 26e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Ce soir, j'ai encore prévu du lourd. On commencera avec Lindemann, le projet solo de Till, vous savez, le chanteur de Rammstein, avec le compositeur d'Hypocrisie et Pain. Ils ont sorti un album cette année, le titre c'est Skills in Pills, un excellent album. Justement, dans cette émission, je diffuserai Skills in Pills, le premier single. Promis, il y en aura d'autres. On poursuivra cette émission avec Indochine et le titre Playboy. C'est sur l'album La République des Météores, sorti en 2009. On retrouve Go Rainbow Go, Little Dolls et une superbe reprise de Je t'aime tant de Jacques Noé et Eli Medeiros en 86. Je passerai ensuite If You Can Live With It de Lita Ford. C'est sur l'album Out for Blood, sorti en 1984. On retrouve Out for Blood, Just a Feeling et On the Run notamment. J'ai Ben qui nous écoute du côté d'Amiens qui m'a demandé de lui dédicacer Crisis de Dubamix. Je connaissais pas. Merci Ben pour cette découverte. En fait, ils ont sorti deux albums, Mix Dub en 2013 et Pour qui sonne le dub en 2015. Ils ont aussi un site Bandcamp et les deux albums sont en téléchargement gratuit. J'aime beaucoup, je diffuserai d'autres morceaux. Et on finira ce bloc en live avec Doro et Breaking the Law. C'est sur le live 25 Years in Rock, sorti en 2010. On retrouve The Night of the Warlock, Metal Tango, Celebrate, Walking with the Angels, notamment un excellent album de la Metal Queen. We'll be right back.

des mesures d'austérité qui touchent directement au portefeuille des Grecs. Le salaire minimum va être abaissé de 22%. Il tombera à 580 euros brut. Susciter la colère des manifestants. Colère. Breaking the law. Vous êtes toujours dans la 26e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Une petite nouveauté, dernière virée de La Gâchette, c'est sur l'album Dans ta face, sorti en 2015. On retrouve 1949, dernière virée, entre autres. Un excellent album découvert grâce à notre ami Brian qui nous écoute à Montréal. Merci pour la découverte, poteau. Promis, j'en diffuserai d'autres. La semaine dernière, j'ai diffusé La Fée. Vous avez été nombreux à me dire que vous appréciez via la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Alors, dans cette émission, je diffuserai Scheiß Liebe, qu'on peut traduire par amour de merde, mais enfin, elle l'a fait. C'est sur l'album Ring Fry, sorti en 2009. On retrouve Green Ring Fry, Danke, Nur Dasein, entre autres. On continuera avec Dire Straits et leur grand classique Calling Elvis. C'est sur l'album On Every Street, sorti en 1991. On retrouve Fade to Black, The Bug, How Long, entre autres. Tiens, un autre grand classique, Pink Floyd avec Is There Anybody Out There. C'est sur le monumental double album The Wall, sorti en 1979. On retrouve Another Brick in the Wall Part 2, Comfortably Numb, Don't Leave Me Now, entre beaucoup, beaucoup d'autres. Et on finira ce bloc en live avec Ziggy Marley et Welcome in the World. C'est sur l'album Ziggy Marley in Concert, sorti en 2013. On retrouve Personal Vibration, Beach in Hawaii, Changes, entre autres. Un magnifique album. We'll be right back. Scheiße! Schicksal die Lügen. Ich will nicht mehr vergeben, will das nur überleben, kein Himmelreich erwerben und danach langsam sterben. Das ist es nicht wert. Ich will das nie mehr. Warum tue ich mir das an? Heul ich mir zu lange nach Fehlern, was ich scheiß liebe. Warum mach ich das, was du? Bin ich jetzt verflucht? Ich hab dir noch scheiß liebe. Here on have at night? Well, it's safe to stay here. Your father's going to pick up our trail before long. Can Lorca ride? Yeah, right. Okay. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Is there anybody out there? Start. Well, every ego must be one. lost, and I don't know when you pay the cost. Hey, if your back gets against the wall, you've got to stand up for who you are. Welcome to the world. A cool place. Welcome to the world. Welcome to the world. Yeah. Check the golden rule. Your love inside will make you cry. The fighting side will make you try. Yeah. Welcome to the world, my baby boy. Welcome to the world. Oh yeah, yeah. Welcome to the world. Like it is. Welcome to the world. Oh yeah, yeah. Welcome to the world. I don't promise. Welcome to the world. Look here. Welcome to the world. I can't promise it's a cool place. Vous êtes toujours dans la 26e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Si on s'écoutait un bon vieil Arnaud, ça vous dit? Eh ben ok, ça sera Mourir à plusieurs. C'est sur l'album Jukebox, sorti en 2007. On peut entendre Help Me Mary, Miss America, entre autres. Tiens, une deuxième nouveauté cette semaine. Le dernier titre de Def Leppard, All Time High. C'est sur l'album Dangerous, sorti en 2015. On retrouve Let's Go, Invincible, Forever Young, avec cet excellent batteur Rick Allen qui a réappris à jouer de la batterie avec un seul bras, comme quoi un handicap peut vraiment devenir une force. Je voulais souhaiter une bonne année à Patrick qui nous écoute à Kinshasa au Congo. J'ai envie que son projet musical, Bankosi, soit important en Europe. Alors s'il vous plaît, amis des radios, contactez le groupe Bankosi sur la page Facebook B-A-N-K-O-S-I. Là aussi, ce soir, je diffuserai Le Rêve Américain. Ils ont aussi un SoundCloud. Allez faire un tour sur leur page. Allez hop, une autre nouveauté. Quand on vit connecté de Massilia Sound System, c'est sur l'excellent Massilia, sorti en 2015. On peut entendre Massilia Number One et Si Levi Myla Kansun. 3 MC sur la version. Un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec les Cure et Close to Me. C'est sur l'European Tour de 1985. On retrouve A Night Like This, Let's Go to Bed, In Between Days, Close to Me, entre autres. Des frigos, des multi-robots, des îles, des vidanges, des gaz à gogo, des liquides toxiques pour bien qu'élastique, et du silicone pour être esthétique. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Avec des anti-moustiques, des bonbons chimiques. Les plaques tectoniques ou la bombe atomique. Des sacs en plastique, des boissons qui piquent. Des armes automatiques dans les villes touristiques. Ça fait pas peur de mourir à plusieurs. Aucun bonheur, nous sommes dans. Super fantastique, sans aucune éthique ou dessin tragique. Des nostalgiques de la chaise électrique. Des frustrés cyniques qui règlent le cirque. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Avec à deux, nous sommes là. Hellfire. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Au cœur, bonheur, nous sommes là. To be your savior, but I'm a poster boy for bad behavior. I'm on the edge, it's a long way down. Living out loud at the speed of sound. I can hear you calling out my name. You tell me that fate is calling. All you see is darkness falling. Don't let go, don't lose your grip. Fire and ice at your fingertips. Can't you hear me calling? pas. Oh, ne me perds pas. En en perdant la vue, je rêve de ta venue. Tu me vois en rêve, à ta venue je vois. Tu rêves de me perdre, je ne perds que toi. Le rêve, à le voir que toi, tu vois que je rêve. Tu ne perds que moi, à ta perte je vois. Je rêve que tu rêves, viens, viens, viens ma vue. Rêve, rêve ma vue, ta belle me perd, à perdre tes vues. Je ne vois qu'en thank you. Je fais comprendre au Front National qu'à Marseille, on n'en veut pas, tout simplement, voilà. Vous écoutez toujours la 26e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On poursuivra cette émission avec Mon Oncle Serge et le morceau Les Séparatistes. C'est sur le sublime Mon Oncle Serge sorti en 2015. On peut entendre Charlie Hebdo, et oui, les Québécois aussi ont été touchés, Stéphane Harper, Coupe Couillard, un très chouette album. Je passerai un peu de douceur avec Amy Winehouse et Back to Black, c'est extrait de l'album Back to Black sorti en 2006. On peut entendre Rehab, Love is a Losing Game. Je le dédicace à Mélissa qui nous écoute sur sa radio favorite au Puy-en-Velay. Je tenais aussi à remercier le groupe Désillusion de Caen qui a eu la gentillesse de m'envoyer son dernier album Metal Influence, sorti en 2014 et réédité en 2015. Un magnifique album autant visuel que auditif. Je passerai Serial Killer. On peut entendre aussi Addiction, Un Monde Virtuel et Metal Influence. Je publierai des photos sur la page Facebook de l'émission du CD. Et promis, je passerai d'autres morceaux des Normands de Désillusion au passage. Il y a un titre qui m'a touché sur cet album, c'est le morceau La Bête du Gévaudan. Et oui, moi qui suis dans le sud de l'Auvergne, le Gévaudan c'est juste à côté de chez moi. Merci pour le petit clin d'œil sympa. On continuera avec Monarchy of Rose des Red Hot Chili Peppers. C'est sur l'album I'm With You sorti en 2011. On peut entendre Dance, Dance, Dance, Happiness Loves Company et Ethiopia. Et on finira ce bloc en live avec Sepultura et Slave New World. C'est sur Blood Rooted en 1997. Je le dédicace à Anthony qui nous écoute du côté de Verdun sur archive.org. On retrouve sur ce Blood Rooted War, Roots Bloody Roots, Propaganda entre autres. Et merci à toi Anthony de nous suivre chaque semaine. 1, 2, 3. Après 20 ans d'une étrange stratégie consistant à cacher leurs projets sous le tapis, les péquistes mordent la poussière. À force de pas vouloir réveiller le chat qui dort, ils l'ont oublié dans son coin pis est mort, abandonné dans sa litière. Et ils sont là à attendre comme des tweets un messie pour qu'il leur ressuscite la bête, déjà rongée par les vers. Mais tout à coup, ces vieux dont la mort approche s'excitent sans doute pour la dernière fois le poil de poche. Lorsque le poing est levé au ciel, sortant des pages jaunies du journal de Montréal, apparaît un rédempteur antisyndical que la plupart huaient encore la veille. Mais plus le messie prend la parole, plus se ternit son auréole et plus dégouline son maquillage progressiste. Les temps sont durs pour les séparatistes. Ces jeunes loups qui avalent mort aux dents sont devenus de tristes mononcles bedonnants dans leur bungalow de Blainville. Et leur objectif pourtant séditieux en est venu à être perçu peu à peu comme un symptôme de gardisme. Les temps sont durs pour les séparatistes. Ils se remémorent avec tendresse les Saint-Jean de leur jeunesse, ce Mont-Royal des années 70. Mais 40 ans plus tard, pendant que le rêve stagne, on les enterre un à un sur la même montagne, devenus comme une tombe à vieux péquistes. Et tout ce qu'ils brandissaient comme un drapeau, leurs héritiers le traînent comme un fardeau et n'ont qu'une envie, changer de disque. Les temps sont durs pour les séparatistes. Et pendant qu'éclate leur ballon, ils quittent l'arène regardés comme des clowns, quand c'est pas comme des fascistes. Je rendrais bien un autre pronostic, mais ma boule de cristal est catégorique. Les temps sont durs pour les séparatistes. Les temps sont durs pour les séparatistes. Entre faire semblant de croire au miracle ou se résigner à la débâcle, y'a pas grand place pour l'optimisme. Les temps sont durs pour les séparatistes. So far, move. Tous ces gens Hey, what's up, man? Seems like everybody's fucking enjoying the show and shit. Sepultura is fucking glad to see all you motherfuckers in the house having a lot of fun, man. Vous écoutez toujours la 26e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On poursuivra cette émission avec Madness et le grand classique One Step Beyond. Ils ont ressorti cet album en 2014 pour les 35 ans de One Step Beyond. Et désormais, ils comptent 29 morceaux. On retrouve Nightboat to Kero, Tarzan Nuts, Swan Lake et plein d'autres. Je passerai ensuite Lettre à Zoé de Fauve. C'est pour Zoé qui nous écoute à Coubon. N'hésitez pas. Faites comme Anthony, Ben, Melissa, Brian et Zoé. Demandez-moi vos dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Donc, Lettre à Zoé, c'est sur l'album Vieux Frères partie 1, sorti en 2014. On retrouve Voyou, Infirmière et Loterie. Je diffuserai ensuite Peter Tosh et Wanted Dread or Alive en live. C'est sur le Complete Captured Live, sorti en 1984. On peut entendre African, Don't Look Back, Bush Doctor. On s'écoutera ensuite Jane's Addiction et Three Days, c'est sur le Ritual de l'eau habituelle sorti en 1990. On retrouve Stop, Obvious et Classic Girl. Promis, il y aura d'autres Jane's Addiction dans les émissions à venir. Et on finira ce bloc en live avec Toots and the Metal et Funky Kickstone, c'est sur l'album Live de 1980. On retrouve Monkey Man, Prisoner's Hop et Sweet and Dandy. Et Funky Kingstone, c'est ce qui sert de générique à l'émission Miami Inc. Voilà. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness! One step beyond! J'ai du mal à faire des phrases construites comme il faut. Et pour une fois j'en ai pas envie. C'est comme si mon esprit était à moitié éteint, qu'une partie était restée avec toi là-bas. Le paysage défile par la fenêtre du train qui nous emmène à nouveau et je me dis: c'est beau les plaines, c'est beau le mois de juin. C'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les filles quand les choses sont douces, sans violence ni dépit. J'avais failli oublier depuis le temps. Cette nuit à côté de toi c'était comme du lait, comme du coton, qui m'ont enveloppé de nulle part. Si on me l'avait dit j'y aurais pas cru. Alors je me repasse le film en continu. Les images de la veille se superposent aux détails du wagon. Elles flottent devant mes yeux comme sur la houle. Je te revois perdu dans la foule avec tous ces mongols bourrés qui dansent n'importe comment. Et je me revois moi essayant de t'atteindre en évitant les gens qui hurlent et font des grands gestes absurdes. Et toi qui attends terrorisé au milieu du chaos, et puis tes joues et puis ta peau. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas, je me suis perdu. J'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une crasse. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un train, on commence à s'apprivoiser. Zoé, Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et je voudrais que ça dure un peu. J'écoute absolument pas ce qu'on me dit, je fais semblant d'être assis à mon siège. Les gars me parlent, mais c'est comme si on était de part et d'autre d'une porte vitrée. Je regarde le paysage défiler par la fenêtre du train qui nous emmène à nouveau. Et je me dis, c'est beau les champs, c'est beau le mois de juin. C'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les filles quand y a pas de peur, pas de dégoût, pas de mépris, quand les choses sont limpides. Cette nuit à côté de toi, c'était comme une lueur dans les profondeurs. Je me suis enfin senti reprendre des couleurs. Si on me l'avait dit, j'y aurais pas cru. Alors je me repasse le film, on continue. Les images de la dernière fois se superposent aux détails du wagon. Elles dansent par-dessus le monde matériel. Je te revois sur l'herbe au bord du fleuve. Je revois la forme des nuages, le péage, les routes, les villages. Et je nous revois dans la nuit chaude tout à l'heure. Le vent dans tes cheveux, les lampadaires qui défilent en orange. Et toi qui t'excuses en pleine rue. Et puis tes larmes, et puis tes bras. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas, je me suis perdu. J'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une crasse. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un train, on commence à s'apprivoiser. Zoé, Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et j'espère que toi aussi. Je t'imagine en train d'émerger doucement de cette nuit un peu courte, ton pas léger sur le béton nu. Je croise deux doigts pour que tu sois comme moi dans un état un peu second. Et que tu regardes rêveuse les rails au loin en espérant voir passer le train qui nous emmène à nouveau. Et que tu te dis, c'est beau l'été, c'est beau le mois de juin. C'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les garçons quand ils sont gentils et droits, qui sont vertueux même s'ils sont un peu maladroits. Cette nuit à ses côtés c'était spécial et nouveau. Moi qui pensais le connaître je me suis trompé. Si on me l'avait dit j'aurais pas cru. Zoé, j'espère que tu te repasses le film en continu. Que les images se superposent aux détails de ta chambre, qu'elles flottent au-dessus de ton lit défait. Quand on a traversé la ville dans la chaleur naissante et que sur le coup la crasse et la laideur ont paru presque supportables. Zoé, j'ai peur de souffrir comme toi, je suis plus habitué à ça. Je sais pas où ça va nous mener, mais je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens d'être fixés. Il faut qu'on se revoie. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas, je me suis perdu. J'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une crasse. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas, mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un trait, on commence à s'apprivoiser. They are trying to find me. this moment, you should be with us, feeling like we do, like you love to, but never will again. I miss you, my dear. Miss you, my dear. Thank you. Do you know the spirit of love? Okay, I got it for you. I got it for you. I want everybody to sing this song with me. I'm gonna sing it first, and you're gonna hear what I say, and you say it after. I say, na na na na na. Your time, come on. I like that. I like it. You got to believe every word I sing. You got to believe everything I do. The need is what I feel. Make it. Music is what I got. I want you. Come on and take it. Come on and reggae. Come on and reggae, reggae, reggae with me. I take it. Nah, nah. Everybody, see it all. Say it. Nah, nah. Book off. Cette 26e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Ce soir, on finira avec Charlie Clouser et American Horror Story Theme. Charlie Clouser, c'était le batteur et claviériste au sein de Nine Inch Nails. Donc, c'est pour ça que ce morceau a cette teinte-là. Salut à toutes et toutes la tribu. À la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Tribe!